à décrire mes vibres, détailler mes pensées, des idées volées aux penseurs, étudier ma liberté, à couper les collerettes des fleurs, serrer toutes mes âmes. J'aimerais passer à lire des livres.